Sur Benji. Bon. Il est gourmand en P-tube. Hein. Oula, c'est gourmand en CPU. Hein. Il est gourmand. Hein. Là, par exemple, c'est un truc.